On sait qu'Alexandre était considéré comme le fils de Philippe, roi de Macédoine, et que Junon était, dans la mythologie romaine, la sœur et l'épouse de Jupiter. Quant à Varron, souvent cité par Lugel dans ses Nuits Attiques, il fut, au 1er siècle avant notre ère, un des plus prolifiques écrivains romains. Dans la plupart des histoires d'Alexandre, et dernièrement encore dans le livre de Marcus Varron, intitulé « Oreste ou de la folie », j'ai lu une réponse très plaisante d'Olympias, femme de Philippe, à son fils Alexandre. Dans une lettre que ce prince écrivait à sa mère, il commençait en ces termes. Le roi Alexandre, fils de Jupiter Ammon, à Olympias, sa mère, salue. Olympias lui répondit. Tu m'obligeras, mon fils, de garder le silence, de ne pas me dénoncer à Junon. Cette déesse m'accablera de sa vengeance si dans tes lettres tu me reconnais pour sa rivale. C'était, en femme éclairée et prudente, avertir poliment et avec finesse un fils superbe de déposer une vaine croyance sur son origine céleste, opinion que lui avait inspirée ses éclatantes victoires, l'adulation des courtisans et une prospérité sans bornes.